Allô. Oui, bonjour madame, c'est la boulangerie-pâtisserie. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle de ma voiture. Là, je dois passer, je passe dans le coin, je voulais savoir si vous aviez du pain encore pour ce midi. Oui. Vous pouvez me mettre deux baguettes de côté. D'accord. Hein, vous avez du pain, un pain aussi peut-être pour ce soir. Si vous avez du pain. Oui, bien sûr. Je vous entends mal parce que je suis dans ma voiture, c'est pas facile. Oui, pas de problème. Bon, mettez-moi un pain. Vous avez des tartes aux pommes ou pas? Oui. Il y a pommes, il y a poire crème spéciale. Ouais. Tarte ananas, tarte cerise. D'accord. Bon, ben, deux tartes aux poires alors. Eh, qu'est-ce qu'il fait? Mais il est con! Allô? Allô? Allô? Oh, ben, dis donc. Ça. Allô? Qu'est-ce qui s'est... Oh, ben, il est blessé, le gars, hein? Oui, ben, appelez vite une ambulance, vous, là-bas. Voilà, faites ça, au moins. Ah. Appelez l'ambulance. Le téléphone, là. Qu'est-ce que c'est? Eh, Vin, t'as vu quelque chose, là? Il y a quelqu'un qui m'a pris sa voiture. Il a dû avoir un accident, parce que j'entends appeler vite une ambulance. Et puis, on a entendu un gros boum, mais quelqu'un qui a dû rentrer dedans. Allô? Téléphone qui est là. Allô, allô? Allô? Allô, oui? Ah ben, il y a quelqu'un. Allô, qui est le... Oh, madame, vous êtes qui? Je suis dans une boulangerie, me passer une commande. Il vous passait une commande? Oui. Oh, le... ça c'est dommage alors, parce qu'il a eu un accident, là. Et c'est grave? Au carrefour, bah oui, quand même. On a appelé les ambulances et le SAMU. Oh là. Il y a des gens qui sont en train de s'en occuper. Qu'est-ce qu'il vous avait commandé? Oh ben, il commandait des gâteaux et du pain, là, pour ce soir, parce qu'il pouvait... il passerait tard, donc il m'a dit de lui mettre de côté, quoi. Il avait l'habitude de passer. Et vous avez commandé quoi? Des baguettes? Oui, des baguettes et du pain. Combien de baguettes? Deux. Et un pain, c'est ça? Oui. Bon ben, vous pouvez me les garder pour moi? D'accord. À tout de suite. À tout de suite, monsieur. Merci.